écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis Abanga Onana. Le combat et nos pensées, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Certains philosophes non-croyants disent que l'homme est un animal émotionnel qui a une raison et qui, à travers ses sentiments, peut être trompé. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'y a que la Bible qui peut nous dire qui nous sommes, d'où nous venons et le pourquoi nous sommes là. Chers amis, nous n'avons pas un esprit. Mais nous en sommes un. Et à travers la fonction de la communion, de l'adoration, de l'intuition et de la conscience, nous pouvons entrer en contact avec le monde spirituel. Nous avons une âme. Et à travers la fonction de l'intellect, de la pensée, de la volonté et des émotions, nous faisons des contacts avec le monde mental. Nous avons et vivons dans un corps physique. Et à travers la fonction des cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher, nous entrons en contact avec le monde physique. L'homme est donc un être tripartite. Il est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'âme est comme un intermédiaire, un relais, un médium entre notre esprit et notre corps. L'âme est le siège de la personnalité de chacun de nous. C'est au niveau de l'âme que notre caractère charnel ou spirituel est déterminé. Mais malheureusement, nous n'accordons pas souvent assez d'attention à la qualité des enseignements que nous donnons à notre âme pour le renouvellement de notre intelligence. Peu importe comment notre esprit est rempli, si l'âme n'est pas renouvelée à la lumière de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. C'est pour cela que la Bible nous recommande dans Romains 12 à partir du verset 1 d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'âme par l'intellect est l'organe de la connaissance, de la pensée et de la réflexion. C'est grâce à notre âme que nous nous souvenons des choses. C'est le domaine de la mémoire. L'une des plus grandes ressources que Dieu a données à l'homme est l'intellect. Le verset 2 de Romains 12 que nous venons de lire nous montre comment faire pour offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plusieurs croient que c'est quand nous nous habillons comme la religion l'impose que nous ne sommes pas conformes au siècle présent. Mais n'oublions pas que tout ce que nous portons comme vêtements, que cela soit conforme à notre religion ou pas, que cela soit de la friperie ou pas, n'oublions pas que cela est du monde, c'est-à-dire du siècle présent. Aucun de nous ne porte encore des vêtements du ciel. La conformité dont nous parle la Bible dans ce passage de Romains 12, verset 2, n'a rien à voir en premier avec notre aspect extérieur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et non par le renouvellement de notre garde-robe ou de nos bijoux ou de notre coiffure. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et non par celui de notre aspect extérieur. Si notre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, nous ne pouvons pas exprimer la spiritualité par notre conduite, quels que soient les accoutrements extérieurs que nous adoptons. Le renouvellement de notre intelligence est de notre responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui le fera à notre place, mais nous-mêmes. Cessons de rendre Dieu responsable de nos manquements et des conséquences de nos folies. Ne pas se conformer au monde ici veut dire ne pas penser, ne pas raisonner, ne pas agir comme le monde. De nos jours, la connaissance que nous recevons dans des associations sportives, politiques, religieuses, tribales, ésotériques, scolaires ou universitaires, à travers l'observation, à travers les enseignements, détermine nos pensées. Chacune de nos relations ou connexions avec les autres les affecte et nous affecte aussi. 1 Corinthiens 15 au verset 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La pensée est l'activité du cerveau qui peut être exprimée par écrit, par nos actes ou par la parole. Nos paroles, nos actes et nos écrits dévoilent nos pensées. Notre coefficient intellectuel peut être évalué dès que nous ouvrons notre bouche. Si nous passons du temps à avoir des pensées tristes, nous aurons des émotions tristes. Si nous avons des pensées diaboliques, nous aurons des émotions diaboliques. Nos émotions sont déterminées par nos pensées. Nos désirs sont déterminés par nos pensées. Chers amis, nous ne tombons pas dans le péché, mais nous nous acheminons dans le péché. Le péché est l'aboutissement d'un processus. C'est pour cela qu'il est différent d'un viol. Tous les pasteurs de la terre peuvent nous imposer les mains et prier pour nous. Mais si nous ne renouvelons pas notre intelligence par la parole de Dieu, nous ne serons jamais délivrés de nos mauvais désirs et surtout de leurs conséquences. La qualité de notre vie dépend de nos pensées. Mais très peu de gens réalisent le puissant rôle de leurs pensées dans leur vie. Ce n'est pas ce que les gens pensent de nous qui nous affecte plus, mais c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Parce que Proverbe 23, verset 7 dit « Tel pense un homme, tel il est ». Notre instruction, notre environnement, notre culture politique, sociale et l'objet ou les objets de notre foi aiguisent nos pensées. C'est pour cela que la Bible interpelle nos pensées en premier, parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et dès que nous naissons de nouveau, Dieu nous exige de renouveler nos pensées, notre intelligence, pour que nous puissions communier et pour que nous puissions lui plaire en toutes choses. Parce que notre ancienne culture, nos anciennes traditions et religions ont la peau très dure. Toutes ces choses qui ont forgé nos pensées depuis notre enfance et qui ne sont pas conformes à la pensée divine doivent être ôtées et remplacées par des choses dignes de louange. Si nous n'avons pas une intelligence renouvelée, nous ne pouvons pas jouir de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Après la nouvelle naissance, nous devons épouser une nouvelle façon de penser. C'est pour cela que Dieu nous déclare dans Ésaïe 55, à partir du verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » En d'autres termes, Dieu nous dit que les choses ne marcheront dans notre vie que quand nous commencerons à penser comme lui. La Bible est la pensée de Dieu, c'est pour cela qu'il nous l'a donnée dans ses 66 livres. Le problème de Dieu avec nous est le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence. C'est pour cela qu'il avait dit à Nicodème, « Tu dois naître de nouveau. » C'est une obligation. Pour que toutes choses soient nouvelles dans notre vie, il faut que nos pensées soient renouvelées en premier. Dans Philippiens 4, à partir du verset 6, nous lisons ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Apprenons donc à méditer la parole de Dieu en la confessant. Ne méditons plus la parole de Dieu, bouche fermée, du début jusqu'à la fin. Pour que le méchant abandonne sa voie, il faut qu'il abandonne ses pensées mauvaises et méchantes. Parce que nos pensées produisent nos actions. Ce n'est pas la qualité de nos prières et de nos jeûnes, ni leur durée qui importe, mais c'est ce à quoi nous croyons et pensons. Parce que nous pouvons jeûner, prier, et à la fin, nous repartons avec notre panier plein de pensées négatives. Quelle catastrophe! Nos pensées deviennent nos paroles deviennent nos décisions deviennent nos actions deviennent nos habitudes deviennent notre caractère, et notre caractère, c'est nous. Tel pense un homme, tel il est. C'est pour cela que dans Matthieu 15, à partir du verset 18, le Seigneur nous dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quand vous voyez une jeune femme qui met des jupes fendues jusqu'à la hanse, cela ne vient pas de sa cuisse, mais cela vient de ses pensées. Le combat spirituel n'a rien à voir en premier avec la façon dont nous prions. Mais il a tout à voir avec notre façon de penser, avec notre mentalité, avec l'objet de notre foi et la qualité de notre foi. Nous devons contrôler nos pensées. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Mais comment donc devons-nous combattre? Le verset 19 nous dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Chers amis, tant que nous ne renouvelons pas notre intelligence selon la parole de Dieu, tant que nous ne gardons pas la foi et une bonne conscience, faisons toutes les nuits de prière possibles. Faisons-nous imposer les mains et les pieds par nos dirigeants spirituels les plus huppés de la ville. Nous ferons naufrage par rapport à la foi. Le vrai combat spirituel consiste donc à garder notre foi et une bonne conscience. Ce passage ne fait pas allusion à la prière. La foi ne peut pas opérer dans une atmosphère de fraude, de malhonnêteté, d'hypocrisie, de favoritisme et de péché. 1 Jean 5, à partir du verset 3 dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Le champ de bataille se trouve dans nos pensées. C'est pour cela que le Seigneur avait repris le révérend, le pasteur, le pape, l'apôtre, le prêtre, l'évangéliste Pierre par ces mots. Matthieu 8, à partir du verset 31. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Pourquoi Pierre reprenait-il le Seigneur? Parce que les pensées du Seigneur n'étaient pas les pensées de Pierre. Parce que les voix du Seigneur n'étaient pas les voix de Pierre. Il fallait que Pierre soit transformé par le renouvellement de son intelligence pour qu'il sache ce qui est agréable, ce qui plaît à Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Pierre pouvait commencer à vaincre dans le combat spirituel. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est-à-dire que renonçons à nos pensées coutumières, animistes, traditionnelles et ésotériques et charnelles. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi la croix? Parce qu'il n'y a aucun de nous qui puisse entreprendre de renoncer à ses pensées animistes, coutumières, ésotériques et qui ne soit pas persécuté par ce monde, en commençant par les membres de sa famille non nés de nouveau. Parce que nous pouvons bagarrer en citant tous les versets bibliques, en priant en langue et en intelligence, en sautant, en donnant des coups de poing et de pied. Mais si nos pensées ne sont pas renouvelées, si nos pensées ne sont pas celles de Dieu, quel que soit le temps que nous mettons dans la prière, nous nous retrouverons à la case départ, vaincus. C'est pour cela que le Saint-Esprit associe les prières effectives à nos pensées pures et vertueuses. Dans Philippiens 4, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà notre état d'âme avant, pendant et après tout combat spirituel, si nous voulons vaincre. Et nous entendons plusieurs abusés. Je prie et je jeûne nuit et jour depuis plusieurs années, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Chers amis, si tel est votre cas, examinez vos pensées. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que l'ennemi fait des captifs. C'est par les pensées qu'il fait de nous ses prisonniers, qu'il attrape et assujettit les gouvernants, les gouvernés et les peuples. C'est pour cela qu'il multiplie les coutumes et les traditions à tour de bras. C'est pour cela qu'il multiplie les religions et les églises anti-bibliques ou parallèles à la Bible. Tant que l'ennemi ne contrôle et ne commande pas nos pensées, il ne peut pas faire de nous ses captifs. L'ennemi vous dira, dans votre famille, les femmes ne vont pas facilement en mariage, et vous le croyez. Ma grand-mère m'avait dit que dans notre village, nous n'allons jamais puiser l'eau pendant les après-midi, que les femmes ne mangent pas le gésier, que les enfants ne mangent pas les œufs. Selon notre coutume, je ne peux pas me marier tant que mes grandes sœurs ne le sont pas encore. Si je ne prends pas pour épouse les veuves de mon père selon la coutume, je serai maudit toute ma vie. Et vous le croyez? Et voilà vos pensées qui deviennent des imaginations et des forteresses diaboliques en vous pour vous détruire, vous et tout votre environnement, parce que vous n'êtes pas transformé par le renouvellement de votre intelligence selon la parole de Dieu. Et vous voilà en captivité, dans des liens occultes et sataniques à cause de ce que vous croyez. Quelle catastrophe, quelle pitié. Pour sortir de cette captivité, la première étape est de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il en devienne notre seul sauveur et Seigneur. Il ne s'agit nullement de la religion, mais d'une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18 nous dit que nous devons combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience, ce contexte veut nous dire que le combat spirituel consiste à garder la foi dans la parole prophétique et de tenir ferme dans notre confession de cette parole, dans une conscience irréprochable. C'est ce que nous dit 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19, que la parole prophétique à laquelle nous avons cru est d'autant plus certaine que toute autre chose. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et jusqu'à ce que l'étoile brillante s'élève dans les cœurs. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Cela veut dire qu'elles sont spirituelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, pour assujettir, pour maîtriser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Renversons les forteresses de l'ivrognerie, de l'animisme, du syncrétisme religieux, de l'homosexualité, du tribalisme, de l'antichristianisme, de la sorcellerie et de l'ésotérisme. Et remplaçons-les par les forteresses de l'amour, de la crainte de Dieu, de la compassion, du salut des âmes et de l'adoration du seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Le verset 6 de 2 Corinthiens 10 nous dit: Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Dès aujourd'hui, nous montons et ne descendons pas dans la recherche des démons alliés, mais contrôlons nos pensées et amenons celles d'entre elles qui sont captives à l'obéissance de Christ. Parce qu'aussi longtemps que nous ne contrôlons pas nos pensées, elles seront des forteresses de l'ennemi. Aucun enfant de Dieu ne peut être spirituellement vaincu sans son propre consentement. Ce consentement peut être conscient ou inconscient à travers nos pensées, nos imaginations ou par nos paroles. De même qu'un enfant de Dieu ne peut être vaincu sans son consentement, de même il ne peut réussir sans sa propre participation. Dans Josué 1, à partir du verset 7, Dieu a sollicité la participation de Josué pour que ce dernier réussisse. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ce n'est pas Dieu ou les anges, ni nos amis ou nos parents qui doivent se fortifier et prendre courage et agir fidèlement selon toute la parole de Dieu, mais c'est chaque croyant pris individuellement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quiconque contrôle nos pensées nous contrôle et nous sommes ses esclaves. C'est la parole de Dieu qui doit contrôler nos pensées. Et c'est elle seule qui doit être l'objet de notre confession. Chers amis, qui contrôle vos pensées? La religion? Vos dogmes religieux? Vos coutumes ancestrales? Les lignes éditoriales des médias du monde? Les astres? Les programmes partisans des partis politiques? Si tel est votre cas, vous êtes parmi les personnes les plus malheureuses de ce monde. Laissez la parole de Dieu, la Bible, contrôler vos pensées. Par exemple, si nous sommes en colère et dans des problèmes permanents avec nos semblables, Dieu ne contrôle certainement pas nos pensées, mais c'est la chair, le monde ou le diable. Tout ce qui contrôle nos pensées contrôle aussi notre vie. C'est pour cela que le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si nous prenons nos pensées et les exposons, nous nous verrons comme dans un miroir. Que nous soyons pauvres ou riches aujourd'hui, cela est déterminé plus par nos mentalités, par nos imaginations, par nos pensées, par nos idées. Parce que nos pensées déterminent notre expression et nos résultats. Parfois, nous avons prié et les démons ont été vaincus dans nos vies et leurs activités ont cessé. Mais parce que nous refusons de renouveler nos pensées, nous continuons à croire que les sorciers du village ont encore une emprise sur notre famille et sur nous. Et nous voilà de nouveau vaincus. Si nous voulons stopper toute opération démoniaque, occulte ou une malédiction dans nos vies, telles qu'un célibat chronique, la pauvreté, les échecs répétés, les maladies défiant tout traitement médical, brisons d'abord les liens de ces opérations dans nos propres pensées. Stoppons les pensées de l'ennemi en nous et nous vaincrons au nom de Jésus-Christ. Tant que Adam et Ève pensaient comme Dieu, ils étaient vainqueurs dans le combat spirituel sans aucune nécessité de prière. Si nous voulons créer une atmosphère de miracles et de percées divines dans nos vies, transformons nos pensées humaines, charnelles et politiques en pensées divines. Ceci se fait en méditant la parole de Dieu dans tous les domaines de nos besoins. Si nous sommes en quête de la guérison, méditons profondément et professons la parole de Dieu dans ce domaine. Personne ne peut avoir une mentalité de maladif et vivre ensuite en parfaite santé. Nous ne pouvons pas prospérer et être riches si nous avons des mentalités de pauvres. Nous ne pouvons pas nous marier selon le Seigneur et être heureux si nous avons des pensées féministes, des pensées d'irresponsables, des pensées égoïstes, des pensées qui croient fermement qu'il y a un âge au-delà duquel on risque de ne plus se marier, et des pensées qui croient fermement que la fidélité conjugale est une impossibilité et que le mariage ne sert avant tout qu'à faire des enfants. Tant que nous aurons des paroles et des confessions telles que « Je suis venu accompagner les autres. Moi, je crois que Dieu n'a pas voulu me donner un mari ou une femme. Je ne peux pas déposer ma demande d'emploi dans cette société-là qui me connaît là-bas. Cela ne sert à rien d'envoyer mes enfants à l'école. Voilà ceux qui sont allés à l'école avant eux qui errent sans travail, alors qu'ils sont bardés de diplômes. Je crois que ma maladie, si, je la porterai tous les jours de ma vie, parce que tous mes parents l'ont eue, et certains en sont même morts. Dans notre famille, les hommes ne vivent pas longtemps. Les filles ne vont pas en mariage, et si elles vont en mariage, elles ne font pas les enfants. Chers amis, tant que nous aurons des paroles et des confessions pareilles, nous ne pourrons jamais vaincre le diable dans nos multiples défoulements religieux que nous croyons être des combats spirituels. Renouvelons nos pensées par la parole de Dieu. Que le faible dise « Je suis fort », que le pauvre dise « Je suis riche », « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Chers amis, qu'il nous soit fait selon notre foi en la parole de Dieu. Pendant que vous voulez entreprendre un projet viable, l'ennemi travaille déjà dans vos pensées pour vous décourager. Et si vous dites oui au découragement, l'ennemi vous a vaincu en contrôlant ainsi vos pensées. Plusieurs hommes et femmes aujourd'hui souffrent dans des unions et des mariages que j'appellerais des enfers parce que c'est le diable qui contrôlait leurs pensées au moment où ils commençaient cette relation. Et non la parole de Dieu, la Bible. Plusieurs ont perdu leur virginité avant le mariage, ont été déçus et trahis par cet homme ou par cette femme, parce que c'est le diable qui contrôlait leurs pensées au moment où ils commençaient cette relation, et non la parole de Dieu, la Bible. Plusieurs sont séropositifs ou sont morts de sida, parce que c'est le diable qui contrôlait leurs pensées au moment où ils commençaient cette relation, et non la parole de Dieu, la Bible. Plusieurs sont maudits aujourd'hui parce qu'ils ont battu leur père ou leur mère, parce qu'ils ont couché avec eux, parce qu'ils les ont tués, parce qu'ils ont tué leurs propres enfants, parce qu'ils ont menti contre les vrais serviteurs de Dieu et leur ont fait beaucoup de mal. Tout ceci parce que c'est le diable qui contrôlait leurs pensées et non la parole de Dieu, la Bible. Chers amis, le champ de bataille se trouve dans nos pensées et nos pensées exprimées dévoilent notre caractère et notre personnalité. Par exemple, par notre façon de nous habiller, nous pouvons afficher le genre de personnes que nous sommes et ce qui se passe dans nos pensées. Que nous soyons riches ou pauvres, la manière dont nous marions les couleurs de notre habillement dévoile le degré de confusion en nous. Chacun de nous porte et exprime une image. Pour certains, il s'agit d'une image de défaite et pour d'autres, une image de victoire. L'image que nous portons et que nous exprimons dépend de nos pensées. Si nos pensées sont celles de succès, nous serons des hommes et des femmes de succès. C'est pour cela que Dieu nous exige d'entrer impérativement dans l'école de la métamorphose et du renouvellement de notre intelligence. Parce que depuis notre naissance, nous avons été moulés dans différents environnements familiaux, tribaux, culturels, éducatifs et spirituels. En naissant de nouveau, notre intelligence, nos pensées doivent impérativement être renouvelées pour que nous connaissions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Dieu dit dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous ne pouvons pas jouir de nouvelles choses avec des pensées et des mentalités anciennes et vieilles. C'est parce qu'Abraham a permis que la parole de Dieu renouvelle son intelligence qu'il a changé de personnalité en passant de la position d'idolâtre à celle de père de la foi. C'est parce qu'Isaac a renouvelé son intelligence par la parole de Dieu qu'il a réussi à vaincre la pauvreté à Guérar, là où tous les philosophes, tous les politiciens et tous les animistes avaient échoué. C'est parce que Pierre a renouvelé son intelligence par la parole de Dieu qu'il a abandonné le monde pour suivre Jésus. C'est parce que Marie a renouvelé son intelligence par la parole de Dieu qu'elle a abandonné les coutumes traditionnelles, les grands prêtres sans intelligence renouvelée et la religion de ses ancêtres pour entrer dans la nouvelle secte que son fils venait de créer. C'est parce que Paul a été transformé par le renouvellement de son intelligence par la parole de Dieu qu'il est passé de persécuteur des nés de nouveau à un né de nouveau lui-même. Alléluia! Jésus disait à tous ceux qui ne veulent pas que la parole de Dieu renouvelle leur intelligence et transforme leur mentalité malgré leur statut de membre de la religion, dans Matthieu 13, à partir du verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et le Seigneur nous interdit formellement de leur ressembler. Cette interdiction se trouve dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17 que nous lisons. Voici donc ce que je dis, ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence, selon la vanité de leurs pensées qui ne sont pas encore renouvelées selon la parole de Dieu. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Chers amis, comment pouvons-nous vaincre dans le combat spirituel ayant des pensées obscurcies et qui sont étrangères à la vie de Dieu? Il ne doit pas en être ainsi pour vous et pour moi. D'où l'objet de ce message que nous écoutons. Nous avons nécessairement besoin des pensées renouvelées pour entrer dans la nouvelle saison, dans la nouvelle année, dans la famille de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, dans les bénédictions de Dieu disponibles dans Éphésiens 1:3 pour vous et pour moi. Tant que nous ne renouvelons pas nos pensées selon la parole de Dieu, les années se suivront et nous serons toujours maudits, infructueux, maladifs, rejeté, délaissé, abandonné, allant d'échec en échec, malgré nos multiples incantations du genre. Que Dieu te bénisse. Bonne année. Nos voeux de bonheur et de prospérité pour vous et pour votre famille en cette nouvelle année. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le diable n'a pas peur de nos récitations. Il a peur des paroles proclamées et conformes à nos pensées, qui elles-mêmes sont conformes à la parole de Dieu. Quand nous entrons dans une nouvelle année, notre souci le plus grand doit être d'avoir nos pensées renouvelées pour nous éviter les erreurs, les défaites et les imperfections de l'année sortante. Chers amis, divorçons avec toutes nos pensées mauvaises et défaitistes. Divorçons avec toutes nos pensées d'assistés, de majeurs incapables, de victimes des erreurs des autres. Yeah. Si vous portez une image négative de vous-même, qu'importe celui qui prie pour vous, rien ne changera vraiment dans votre vie tant que cette image n'est pas renouvelée en devenant positive. Les pensées et les images que nous portons sont plus fortes que l'onction divine. Pourquoi? Parce que Jésus en personne n'a pas sauvé toutes les âmes à qui il rendait ministère. Il n'a pas guéri tous les malades en Israël. Il n'a pas opéré des miracles partout. Ceci à cause de l'incrédulité de plusieurs. Et Jésus nous déclare sans cesse qu'il vous soit fait selon votre foi. La chair, le monde et le diable nous diront. Quand vous atteindrez 50 ans d'âge et au-delà, voici ce qui commencera à vous arriver. Voici le genre de maladies qui vous atteindront. Et beaucoup succombent à ces pensées négatives et déclarent, c'est vrai, depuis un certain temps, je comprends maintenant pourquoi je ressens ceci et cela. Du coup, vous commencez à consulter les revues médicales pour étudier et surtout pour vous préparer aux différents types de diabète, de cancer, de goutte, de rhumatisme, d'accidents cardiovasculaires et cérébraux, de tensions artérielles et autres. Pourquoi cherchez-vous tous ces détails et toutes ces informations? Pourquoi chercher des informations sur le diabète, sur le cancer, sur le rhumatisme, sur le sida? Êtes-vous devenu un médecin? Pourquoi commencez-vous à vous intéresser et à étudier subitement les symptômes du sida? Et après, vous commencez à rechercher ces symptômes dans votre corps et à soupçonner chacun de vos malaises ou mal d'être peut-être le commencement du diabète, du cancer ou du sida. Voilà vos mauvaises pensées qui deviennent vos imaginations et ces imaginations deviennent des forteresses que l'ennemi utilise pour vous assujettir, pour vous frapper et pour vous donner ce que vous redoutez tant. Parce que la Bible dit, c'est ce que je redoute qui m'arrive. Voici les réponses que nous devons donner à toutes ces pensées négatives. Par exemple, nous pouvons déclarer, Moïse avait 120 ans et il était en parfaite forme physique, spirituelle et émotionnelle. Jéhovah Rapha est mon médecin. C'est lui qui prend le relais quand tous les médecins et toute la médecine des hommes ont échoué et jeté l'éponge. Quel que soit mon âge, je serai en parfaite santé, comme Moïse l'a été, comme Jésus veut que je sois. Chers amis, si nous combattons le diable en dehors du domaine spirituel, il nous vaincra toujours. Te voilà sans enfant. Est-ce que tu es sûr que tu vas te marier? Et même si tu te maries, en auras-tu quand tu seras marié? Autant mieux en faire maintenant. Voilà les pensées démoniaques. Ton mari n'est pas encore rentré du travail et il est 20 heures. Tu sais comment sont les hommes d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il a une maîtresse là-bas dehors. Il ne t'aime pas. Pour preuve, il ne t'a même pas appelé pour te dire s'il est empêché. Il n'envoie plus de l'argent à ta famille, mais seulement à la sienne et à ses concubines. Et si vous avalez ces pensées, deviendront des imaginations en vous et des forteresses. Et vous accueillez votre mari rentrant avec ses bombes. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. N'est-ce pas toi qui es venu pour m'épouser? Rentre là où tu étais là-bas dehors, ou alors tu vas me tuer aujourd'hui. Le diable dans son coin se frotte les mains, mission accomplie, et il profite pour introduire toute sa camelote dans votre foyer et dans votre famille, tels que le manque de confiance, les animosités, les sentiments de vengeance, le stress, le manque de prière, la pauvreté, la maladie, la séparation de corps, les infidélités conjugales, les avortements, les divorces et parfois même les meurtres. Si la femme ou le mari avait dit au départ, « Non, ces pensées ne sont pas de moi ni de Dieu, je les rejette au nom de Jésus-Christ », leur paradis conjugal ne serait pas transformé en enfer. La Bible dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. La Bible dit que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transférés dans le royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre des riches qu'il était pour que nous soyons enrichis. La Bible dit que par ses blessures, nous avons été guéris. Voilà les forteresses qui doivent être érigées dans nos pensées, dans notre âme, dans notre intelligence. Mais nous ne voyons pas la manifestation de cette parole de Dieu dans notre vie, malgré toutes les résolutions et les bons vœux proclamés pour la nouvelle année. Nous voici déjà en avril, en mai ou en octobre, mais rien de positif ne se profile à l'horizon. Chers amis, c'est parce que nous avons oublié de souhaiter des vœux de renouvellement de nos pensées et de la mise en pratique de ce renouvellement. Nous avons besoin du renouvellement de notre intelligence pour entrer dans la nouvelle alliance. Notre besoin le plus urgent est le renouvellement de notre intelligence. Nous pouvons être nés de nouveau toute notre vie. Nous pouvons citer les Écritures en tout temps de Genèse à Apocalypse. Mais si nos pensées et notre intelligence ne sont pas renouvelées, nous ne serons jamais des plus que vainqueurs face à nos multiples épreuves, obstacles et vents contraires dans la vie. N'oublions pas que nous sommes des êtres tripartites, esprit, corps et âme. Notre esprit a trois fonctions principales, l'intuition, la conscience et ensuite la communion. Mais notre âme aussi a pratiquement trois fonctions principales, la pensée ou l'intellect et ensuite la volonté et l'émotion. Notre corps a cinq fonctions principales, le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Si ces fonctions ne sont pas actives, nous sommes des morts vivants. L'âme est le siège de la personnalité de tout être humain. Ce sont les fonctions de l'âme qui déterminent notre personnalité et notre spiritualité. Chers amis, les plus graves maladies sont celles de l'âme et plusieurs recourent à la psychothérapie. Mais la vraie thérapie de toutes les maladies psychosomatiques est la thérapie spirituelle. C'est parce que plusieurs parmi nous sont malades dans l'âme qu'ils voient tout en noir ou en négatif. Ils critiquent tout ce que font les autres, surtout ceux qui occupent les postes qu'ils convoitent. Le combat spirituel n'a rien à voir en premier avec nos prières ou de comment nous prions, mais il a tout à voir avec l'objet de notre foi et de la nature de nos pensées. L'ennemi se réjouit quand nous croyons que le combat spirituel se réduit à la prière ou encore à la façon de prier. Chers amis, tant que nous ne renouvelons pas sans cesse nos pensées en Jésus-Christ, nous serons toujours vaincus par l'ennemi, même si nous faisons 30 nuits de prière chaque mois. Fuyons par exemple les passions de la jeunesse et recherchons la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si nos pensées ne sont pas pures, nous ne pouvons pas faire des prières ferventes du juste. Nous ne pouvons pas prier au nom du Dieu trois fois saint avec des pensées impures. Si nous remportons la bataille des pensées et des mentalités, alors nous gagnons tous les combats spirituels. C'est dans nos pensées que l'ennemi nous tient captifs, sujets, maudits, incrédules et vaincus. Notre foi, nos croyances, nos lectures héritées de notre passé et de notre environnement culturel, religieux, social et politique forgent et influencent nos pensées. Nous avons donc tous besoin d'une intelligence et des pensées renouvelées selon les pensées et les voies de Dieu si nous voulons devenir des plus que vainqueurs en Jésus-Christ dans tous nos combats spirituels. Nous devons impérativement aligner nos pensées et notre intelligence à celles de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu. C'est sa parole qui doit devenir des forteresses en nous et non les pensées anti-bibliques de la chair, du monde et du diable. Si nous méditons la parole de Dieu jour et nuit pour la mettre en pratique, elle deviendra une vraie forteresse en nous, en lieu et place des autres forteresses de l'ennemi. Et nous aurons ainsi du succès dans tous nos combats. Quand la guérison, le succès, le salut des âmes, la prospérité, la crainte de Dieu, le pardon, la miséricorde, la prière et la sanctification deviennent en nous des forteresses, rien ne peut plus arrêter nos succès et notre prospérité pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 10, du verset 3 au verset 4, nous avons trois niveaux dans le combat, que ce soit pour la défaite ou pour la victoire. Il s'agit du niveau des pensées, de celui des imaginations et ensuite celui des forteresses. Tout commence par nos pensées. Ce sont des pensées mauvaises, non rejetées, qui deviennent des imaginations et des forteresses diaboliques en nous. Nos pensées sont gouvernées ou contrôlées par nos associations, par nos observations et par les enseignements que nous recevons. Quand nous sommes enseignés de la parole de Dieu, nos pensées sont contrôlées de manière positive. Éloignons-nous des personnes qui nous nourrissent des pensées négatives. Vous avez 30 ans et vous êtes toujours célibataire. Mais on vous trouve toujours en compagnie avec les vieilles filles célibataires qui ont perdu tout espoir. Ma sœur, nous sommes venus accompagner les autres. Tu sais, les hommes recherchent toujours des femmes jeunes et non des vieilles comme nous. Et vous acceptez cela dans vos pensées et vous voilà dans le club des célibataires vaincus à vie. C'est la même chose avec les maladies. On vous entend dire, avec tout ce qui se passe ces jours, je crois qu'il faut que j'aille faire un test. On ne sait jamais. Chers amis, il est bon de faire des tests médicaux si vous le voulez. Mais quand ferez-vous vos tests spirituels? Vous êtes sans enfant, mais votre compagnie n'est qu'avec les personnes qui ont perdu tout espoir d'en avoir. Et ils vous entretiennent par des paroles telles que « Mon ami, nous sommes des grillés, des sans-enfants endurcis. On n'y peut rien. » Tous ceux qui contrôlent nos pensées contrôlent notre vie. C'est Dieu seul qui veut contrôler notre vie, parce que c'est lui qui nous a créés. Et c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole, que nous devons méditer jour et nuit pour nous amener à penser comme lui. Il est impossible d'avoir des pensées de pauvreté et devenir ensuite prospère. Il est impossible d'avoir des pensées de maladif et être en parfaite santé. Il est impossible d'avoir des pensées de haine et avoir de l'amour. L'ennemi nous offre toujours des opportunités pour nous faire échouer. Il nous fera penser et dire « J'ai beaucoup d'ennemis comme le roi David. » Chers amis, le monde entier a pratiquement haï Jésus et l'a appelé démon, glouton, ivrogne. Mais il n'a pas changé ses pensées positives à cause de cela. Joseph et Daniel n'ont pas changé leurs pensées positives en négatives malgré les tribulations et les injustices qu'ils ont connues de la part de leurs ennemis. Les mauvaises pensées reçues et entretenues sont nos ennemis les plus redoutables dans notre vie. Parce que nous limitons Dieu à nos prières, au nombre de vases que nous apportons pour qu'il nous donne de l'huile, et surtout, nous le limitons à nos pensées. Éphésiens 3, verset 20 nous dit pourtant. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, chers amis, que nos pensées soient positives, que nos pensées soient des pensées de succès, que nos pensées soient nobles et dignes de louange. Et Dieu, qui nous donne infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, nous donnera en abondance. Et nous ferons des exploits avec lui. Alors voici la question, à quoi pensons-nous? Dieu ne peut nous aider que quand nous changeons nos pensées de mort en pensée de vie. En nous créant libres, Dieu a ainsi placé notre destinée dans nos propres mains. Si nous voulons une vie positive, ayons des pensées positives. Et nos pensées ne peuvent être positives que si elles sont conformes à la parole de Dieu. Chers amis, qui que vous soyez, que vous m'aimiez ou pas, que vous me combattiez ou pas, que vous souhaitiez ma mort ou pas, je suis à l'école de renouvellement de mon intelligence qui m'enseigne et forge mes pensées, que vous ne serez jamais mes ennemis. Mais c'est le diable et ses démons qui le sont. Alors, que vous le vouliez ou pas, je vous aime et je hais le diable et ses démons qui vous aveuglent et qui vous braquent contre moi. Pour stopper les pensées négatives qui veulent nous violer, proclamons la parole. Sur les pensées de mort et de suicide, nous pouvons proclamer « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. » Sur les pensées de malédiction familiale et héréditaire, nous pouvons proclamer « Je suis une nouvelle création en Christ. » Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Mon cas est différent. Les malédictions familiales ne sont plus mon partage. Si nous connaissons mieux, nous ferons mieux. C'est pourquoi le diable fera tout pour nous maintenir dans l'ignorance. Aucun oppresseur ne libère jamais ses captifs. Ce sont les oppressés qui doivent se révolter et dire « Trop, c'est trop » pour recouvrer leur liberté. Par ce message, nous apprenons des choses qui nous amèneront à dire à l'ennemi de nos âmes « Trop, c'est trop ». Si nous avons une mentalité et des pensées de célibat, il nous sera très difficile de nous marier. Et si nous le devenons, ce sera pour la forme et pour le gâchis. Tant que nous ne renouvelons pas nos pensées, nous serons une très mauvaise épouse ou un très mauvais époux. Le renouvellement de notre intelligence nous amène à jouir enfin de ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Notre conformité au monde ne s'évalue pas par notre aspect extérieur, mais par la manière dont nous pensons. Le combat spirituel n'a rien à voir en premier avec la prière ou avec la manière dont nous prions, mais il a tout à voir avec l'objet de notre foi et avec notre manière de penser. Le vrai combat spirituel se passe en nous et non en dehors de nous. Notre participation ou notre consentement dans la défaite est de nous conformer aux pensées du diable. Ceci en lui permettant d'avoir accès à nos pensées et à les contrôler. Toutes sortes de pensées viendront pour violer notre âme. Mais il est de notre responsabilité et de notre devoir de ne retenir que les pensées qui glorifient Dieu. Le jour où nous changeons nos mentalités en bien, nous brisons en même temps l'empire du diable dans notre vie. Les paroles sont des pensées exprimées. Nos paroles deviennent nos décisions deviennent nos actions deviennent nos habitudes deviennent notre caractère devient nous-mêmes. Mais le tout commence par nos pensées. Tel pense un homme, tel il est. Nous devons localiser donc nos ennemis, connaître leurs stratégies et le genre d'armes qu'ils utilisent avant d'entrer en combat contre eux. Prions jusqu'à perdre la voix. Prions en langue et en intelligence, mais tant que l'ennemi contrôlera nos pensées, nous serons plus captifs à la fin de la prière parce qu'épuisés et ineffectifs. C'est pour cela que Dieu nous demande dans Philippiens 4 d'avoir des pensées pures si nous voulons vaincre dans le combat spirituel et dans la prière. Au lieu de passer le temps à lire la parole de Dieu, nous lisons les magazines de guerre, de tribalisme, de pornographie, des rivalités politiques et des jeux de hasard. Après notre nuit de prière, commençons et continuons à penser à ce qui est juste, pur et digne de louange. Si nous ne renouvelons pas nos pensées, nous allons détruire la prière que nous venons de faire. C'est pour cela que l'ennemi nous harcèle avec des pensées négatives. Nous ne serons jamais ce que les autres disent que nous sommes, jusqu'à ce que nous l'acceptons ou que nous y consentons. Ne soyons jamais muets devant les assauts et les harcèlements du diable. Parce que nous devons avoir comme forteresse dans nos pensées ce passage biblique de 1 Jean chapitre 4 au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nos prières au nom de Jésus, associées à nos pensées renouvelées selon la parole de Dieu, amènent Dieu à agir. Parce que, ne l'oublions pas, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si nous proclamons des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu, alors nous produirons la vie. Mais si nous proclamons des paroles qui sont conformes à la parole de la chair, du monde ou du diable, alors nous allons produire la mort. Tant que nous n'avons pas confessé par des paroles la pensée que le diable a mise en nous, ce dernier n'est pas encore convaincu qu'il nous a asservis. N'exprimons donc jamais nos pensées négatives, mais condamnons-les et rejetons-les. En exprimant nos pensées négatives, nous établissons ces pensées et nous donnons le feu vert au diable. Parce que toute pensée négative produit la peur, cette amaison redoutable du diable. C'est pour cela que nous devons méditer la parole de Dieu jusqu'à ce que nous pensions comme Dieu pense. Tout ce qui dans notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu est une obéissance au diable et une désobéissance à Dieu. Et la Bible dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Par la maladie, Satan veut nous amener à désobéir à la parole de Dieu qui dit que par ses meurtrissures, il nous a guéris et qu'il est le Dieu qui éloigne la maladie du milieu de nous. Pour combattre la maladie, nous devons d'abord nous conformer à la parole de Dieu pour nous en ce qui concerne les maladies. Avant de lier et de chasser les démons d'infirmité, lions et chassons-les d'abord de nos pensées, renversons d'abord leur forteresse en nous. Nous devons revendiquer les droits de notre rédemption avec la même énergie que nous défendons nos droits politiques, tribaux, fonciers, civiques, linguistiques et territoriaux. Satan, enlève tes mains souillées de ma vie, de ma maison, de ma famille, de mon ministère, de mes pensées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de punir toute désobéissance du diable dans notre vie, nous devons d'abord accomplir complètement notre obéissance en Jésus-Christ. Assurons-nous que nos pensées ne se rebellent jamais contre la parole de Dieu. C'est cela l'obéissance. Si nos pensées sont en rébellion contre la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais punir la désobéissance du diable dans notre vie. Nous serons exposés et vaincus dans tous les combats spirituels. Ce qui attire le diable en nous et qui lui déroule le tapis rouge et lui donne accès dans notre vie est notre désobéissance à la parole de Dieu. Par exemple, ne disons jamais plus « Je meurs, je ne vais pas m'en sortir, je suis incapable » parce que chacune de nos paroles est très importante et elle influence le cours de notre vie. Dans Matthieu 12, au verset 36, le maître nous dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » C'est pour cela que quand nous réalisons que nous avons prononcé une mauvaise parole, nous devons rapidement prier et déclarer impuissant et inoffensif les effets de cette parole dans notre vie et dans celle des autres. Ne confessez jamais plus. Nous les vieux, nous les croulants. C'est pour cela que tout est croulant dans vos vies à cause de vos confessions négatives. Si vous êtes une épouse et que vous avez une mentalité de vieille, une mentalité de dépassée, une mentalité de démodée, alors vous travaillez pour amener votre mari à penser aux femmes plus jeunes. Et vous voilà dans des problèmes si votre mari n'est pas un enfant de Dieu. Vous paraissez vieille parce que vous pensez vieille. Ayez une mentalité de jeune, gaie, aimable, souriante, épanouie. Ayez des ambitions positives et prenez soin de vous. Faites du sport, mangez bien, soyez propre et hygiénique. Soyez romantique. Qui vous a dit que ce sont seulement les hommes qui doivent être romantiques? Cessez de confesser que je ne peux pas. Pourquoi ne pas vous asseoir et vous imaginer marié, épouse ou époux fidèle, père ou mère de très beaux enfants sages, promus, en parfaite santé, plus que vainqueurs, miséricordieux et souriants? Chers amis, imaginons-nous toujours en paix avec Dieu. Imaginons toutes nos prières exaucées pour la gloire de Dieu. Parfois, si vous voyez une sœur avec un frère, deux, trois ou six fois en compagnie d'une sœur ou d'un frère, vos pensées négatives vous donnent des imaginations négatives et vous commencez à murmurer, à répandre le produit de votre imagination. C'est pour cela que nos églises aujourd'hui n'ont plus de véritable communion spirituelle parce qu'elles sont pleines d'hommes et de femmes non transformés par le renouvellement de leur intelligence, des colporteurs et des colporteuses de la calomnie et de la destruction. Que la parole de Dieu domine nos pensées dans le domaine de nos besoins jusqu'à ce que nous puissions nous imaginer avec des résultats positifs. C'est ce que David confessait. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Si nous voulons stopper les opérations sataniques dans notre vie, la première chose à faire est de stopper les pensées de Satan dans notre âme. Éloignons-nous de tout ce qui forge ses pensées en nous, sinon elles vont se développer en imagination et ensuite en forteresse. C'est ainsi que l'ennemi a déjà érigé plusieurs forteresses dans les âmes de plusieurs. Par exemple, la forteresse de la pauvreté vous maintiendra dans celle-ci tant que vous ne renouvelez pas votre intelligence dans ce domaine, en la renversant au nom de Jésus-Christ et en la remplaçant par la parole de Dieu qui veut que nous soyons tous prospères, que nous prospérions tous à tous égards. Ceux qui ont les forteresses de la pauvreté érigées dans leurs pensées ne pourront jamais comprendre comment Dieu peut les bénir au-delà de leur bulletin de paie. Ceux qui ont les forteresses du célibat érigées dans leurs pensées ne pourront jamais comprendre comment Dieu pourra encore leur donner un mari à leur quarantaine. Ceux qui ont des forteresses de la maladie érigées dans leurs pensées ne pourront jamais comprendre comment Dieu peut les guérir du sida, du cancer, du diabète et de toutes les autres conséquences du péché dans leur vie. Et plusieurs personnes croupissent ainsi sous des forteresses diverses. Et parmi ces personnes, nous trouvons au premier rang des pasteurs, des prêtres, des révérends, des apôtres, des prophètes, des souverains pontifes. Quel gâchis! La pauvreté est une condition spirituelle qui affecte notre âme et qui se manifeste physiquement pour contaminer notre environnement. La pauvreté est une mentalité qui parfois se transmet des parents aux enfants, de génération en génération. Nous pouvons avoir des milliards et être pauvres dans nos pensées. Mettez une personne avec une mentalité de pauvre dans une belle villa et revenez la visiter un an après, vous trouverez que sa pauvreté qu'il porte en lui aura contaminé tout son environnement. Mais mettez à l'opposé une personne riche et prospère spirituellement dans un environnement pauvre et revenez un an après pour constater que l'endroit est aussi devenu riche et prospère comme son occupant. Nous devons tous se déclarer au diable, trop c'est trop, je renouvelle mon intelligence par la parole de Dieu. Tu ne peux plus contrôler mes pensées. Je ne suis plus un malade à la recherche de la guérison, mais je suis quelqu'un qui est guéri par Jésus depuis 2000 ans environ. Retour à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ, amen. Le combat spirituel se fait 24 heures sur 24, de notre nouvelle naissance jusqu'au son de la trompette. Nous devons donc protéger nos pensées par notre casque du salut. C'est pour cela que nous terminons ce message en vous conseillant de lire Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 17 en ce qui concerne le combat spirituel. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, il ne s'agit pas de prière. Voilà pourtant le combat spirituel qui commence. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut. C'est par le casque sur la tête que nous pouvons bloquer les pensées négatives du diable qui veulent passer par notre cerveau pour atteindre notre cœur. Et la prière ne vient qu'au verset 18, en dernière position. Cela veut dire que nous ne pouvons faire des prières effectives que quand nous avons déjà renouvelé notre intelligence selon la parole de Dieu. Voilà le vrai combat spirituel dont la prière n'est que la dernière composante. Chers amis, le combat et nos pensées, tel était le thème de notre message. Dieu a tout accompli. Aucun de nous ne peut avoir son intelligence renouvelée s'il n'est pas en paix avec Dieu. Et nous ne pouvons être en paix avec Dieu qu'en recevant Christ notre paix. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus comme sacrifice sanglant pour vous et pour moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ fut sacrifié sur la croix et enterré, et le troisième jour, il vainquit la mort. Il est vivant pour toujours, et il reviendra bientôt pour nous chercher. En attendant, il veut que nous soyons transformés sans cesse par le renouvellement de notre intelligence, afin qu'il nous trouve, quand il viendra, sans tache ni ride. Si vous voulez donner votre vie à Christ, pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez vainqueur dans tous vos combats spirituels, baissez votre tête et priez avec moi. Dites seulement, Père éternel, je reconnais que j'ai erré jusqu'à présent, à cause de mes péchés et à cause de mon ignorance. Je crois que tu as envoyé Jésus pour qu'il me sauve. Il est mort là où je devais mourir. Il est l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je crois désormais tout ce que la Bible dit de Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort, crucifié, enterré, qu'il a vaincu la mort le troisième jour en ressuscitant. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens dans mon cœur et sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Remplis-moi par ton Esprit Saint et conduis-moi désormais dans toute la vérité. Donne-moi de demeurer dans ta parole et que par ton Esprit Saint, que je connaisse la vérité qui va m'affranchir. Aide-moi à renouveler sans cesse mes pensées par ta parole et fais de moi un plus que vainqueur dans tous mes combats. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.